Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique mensuelle au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Salut Yves. Qui est chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique et qui accompagne aujourd'hui de Nico. Bonjour Nico. Bonjour. Qui va aujourd'hui nous parler d'une actualité bien sûr chaude pour les pêcheurs, c'est l'ouverture de la pêche à la truite avec les différentes techniques. Ce sera le 12 mars François. Oui, exactement. C'est toujours le deuxième samedi de mars, hein, l'ouverture de la truite. Donc ça tombe le 12 cette année, exactement à 6h41. Les pêcheurs vont pouvoir ressortir de leur fourreau, leur canne, leur ligne et leurs appâts pour tenter les truites qui seront toutes disposées à venir nous faire un petit coucou. Qui vous attendent de pied ferme. Pourquoi 6h41? Alors en fait, vous savez que la pêche, la nuit... est interdite, donc il faut bien démarrer par une heure légale. L'heure légale dans le code de l'environnement, c'est une demi-heure avant le lever du soleil. Et on a le droit de pêcher jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil. Donc en fait, en fonction de l'heure du lever du soleil et de son heure de coucher, nous on a un calendrier des horaires légaux de pêche qu'on peut retrouver d'ailleurs sur notre petit guide de la pêche en Meurthe-et-Moselle, en page centrale. Oui. Voilà, après il y a une petite tolérance, on n'est pas à quelques minutes, mais voilà, c'est l'heure légale. Donc 6h41, un coup de sifflet et on y va. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette ouverture de la pêche à la truite aussi? Ça se passe où? Alors, parce qu'il y a différentes catégories de rivières, hein. Il y a les premières, les deuxièmes catégories, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est ça, tout à fait. L'ouverture, ça correspond en fait à la permission de repêcher dans les cours d'eau qui sont classés en première catégorie. On rappelle que les cours d'eau de première catégorie sont les cours d'eau qui sont les cours d'eau qui abritent des truites à l'état naturel et naturel, sauvage. Donc, oui. C'est plutôt les têtes de bassin, hein, l'amont des rivières, avec de l'eau plutôt propre, fraîche et oxygénée. Donc, on a 9 cours d'eau, nous, en Meurthe-et-Moselle, qui ouvrent le samedi 12 mars. Et donc, on peut pêcher à toutes les techniques, hein, dans ces cours d'eau-là. Et il y a aussi, donc, dans les autres cours d'eau qui sont classés en deuxième catégorie et des plans d'eau ou des canaux, les associations de pêche mettent aussi des truites dans ces pièces d'eau ou dans ces milieux-là pour satisfaire un petit peu une catégorie de pêcheurs qui n'a pas forcément un cours d'eau de première catégorie à proximité de chez lui ou qui n'a pas envie de faire 30 km pour y aller. Donc voilà, c'est une pêche un petit peu plus accessible avec des truites arc-en-ciel, avec une capturabilité un peu plus sympa. C'est bien pour, si on va emmener les gamins, etc., pas trop loin. À ce titre-là, on a une carte sur le site internet de la Fédé des points d'empoisonnement en truites, hein, qui vont être faits sur le département pour l'ouverture. Voilà, une carte interactive, donc très bien faite. Donc, on n'hésite pas à aller sur le site de la Fédé, www.pêche-54.fr. Donc, deux types, hein, de truites. On en a déjà parlé dans les émissions précédentes et on vous invite à aller écouter les podcasts, hein, la truite Fario, la truite arc-en-ciel. Tout à fait, c'est ça. Les deux espèces de truites qu'on pourra pêcher. Alors, on peut revenir peut-être, on a effectivement Nico qui est notre invité et mon cher collègue à la Fédération, parce qu'il est aussi chargé de développement à la Fédération, oui, de pêche de Meurthe-et-Moselle. Et c'est un spécialiste de la pêche au toc, Nico. Oui, alors spécialiste, je ne sais pas, mais c'est une technique que je pratique beaucoup. Oui, là, d'accord. Et du coup, alors c'est une technique qu'on va utiliser plutôt en cours d'eau de première catégorie, ou tout du moins avec de l'eau qui court avec du courant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le matos, la technique? Oui, avec plaisir. Donc, comme toutes les techniques de pêche, ce n'est pas une technique qui est spécifique à la truite et au cours d'eau de première catégorie, bien sûr, mais qui est beaucoup utilisée pour ce poisson-là, pour la capture de ce poisson-là. Alors, technique particulière dans le sens où elle nécessite un matériel spécifique, comme beaucoup d'autres techniques également, et peut-être un peu plus complexe que certaines, parce qu'on se retrouve assez rapidement avec une canne qui fait près de 4 mètres, et on n'est pas habitué à avoir un objet aussi grand dans les mains, c'est pas évident pour même un pêcheur aguerri sur d'autres techniques. Alors le principe du toc, c'est présenter un appât, naturel ou artificiel, on pourra y revenir, qui va dériver dans le courant de manière plutôt naturelle. C'est là que est toute la difficulté de la technique, c'est de présenter ça de manière naturelle, à ce que le poisson, la truite, pour le sujet du jour, le considère comme un appât qui dérive naturellement et qu'elle va pouvoir donc prendre pour s'alimenter ainsi. Voilà. C'est ça. Du coup, alors on n'a pas, effectivement, on peut pêcher avec des appâts naturels, et on peut pêcher aussi avec des appâts artificiels. Oui, alors l'appât le plus classiquement utilisé par les pêcheurs au toc, c'est le ver de terre. Donc, animal sauvage, hein, on va dire, naturellement présent sur la terre. Alors, bien sûr, dans la terre, mais pas dans l'eau. Mais en fait, c'est un appât qui va se retrouver dans les rivières lorsqu'il pleut, qu'ils sortent du sol et qu'ils vont être emportés par le ruissellement, donc la pluie, sur le sol jusqu'au cours d'eau. Et là, la truite, le ver de terre va rentrer naturellement dans son alimentation. Donc là, c'est vrai que c'est un appât qui va être adapté aux conditions pluvieuses particulièrement. Alors, il va marcher un peu tout le temps, hein, bien sûr. Donc voilà. Printemps, si un petit coup de pluie avant l'ouverture de la pêche le 12 mars, petit conseil, ça sera bien sortez de... le ver de terre. Ça ouais. sera bien d'avoir des vers de terre, ouais. Alors après, on peut, sur la pêche au toc, je sais que les pêcheurs utilisent aussi pas mal les teignes. Oui, donc d'autres larves, des larves d'insectes au sens large. Teigne, par exemple, vers de farine, c'est des choses qu'on retrouve en magasin de pêche aussi assez fréquemment. Et puis, on peut utiliser également les insectes qu'on va trouver, les larves qu'on va trouver dans la nature. Hein. On peut... On avait un peu les cailloux, les petites bêtes, bêtes d'eau, larves d'éphémères et autres joyeusetés qu'on peut trouver au fond de nos cours d'eau de première catégorie. Et puis, il peut y avoir des appâts artificiels, donc qui vont eux tendre à imiter tout ce qu'on vient de citer, en fait, même des vers de terre ou des larves d'insectes, et qu'on va appeler soit des petits leurres imitatifs, soit même des nymphes ou des mouches artificielles, hein, puisque là on se rapproche de la pêche à la mouche, puisqu'on va utiliser des imitations d'insectes. Miniature, on va dire, qui permet de présenter les appâts plus petits, s'adapter à toutes les conditions, puisque s'il n'y a pas de pluie qui fait un grand soleil, comme ça peut être le cas là, vu ce qui s'annonce pour le 12 mars, peut-être que les nymphes, les toutes petites nymphes un peu brillantes, vont un peu plus attirer l'attention de la truite qu'un ver de terre qui ne sera pas présent de toute façon s'il ne pleut pas. Pourquoi ce choix de la pêche à la toque plutôt qu'une autre technique et le nom de toque d'ailleurs aussi, d'où ça vient? Oui, tout à fait, bonne question. Alors déjà, le nom de toque, il vient du fait que le pêcheur va soit voir visuellement dans le fil la touche, quoi, la prise de l'appât par la truite, donc ça va tendre le fil d'un coup et le toque va se ressentir potentiellement dans la cam, dans la main, si la main tient le fil à ce moment-là. Donc ça, c'est un peu, c'est une réalité quand même, parce que les truites sont des poissons assez vifs, les milieux où ils vivent, dans le courant, et la touche peut être assez violente, entre guillemets, je mets bien des guillemets gros mots, mais... Et surtout avec une canne de 4 mètres aussi, peut-être que c'est démultiplié, la sensation aussi Pas forcément. La longueur de la canne la permet de présenter de manière plus naturelle sur une grande longueur de dérive, en fait, dans le courant, l'appât, ça va être plutôt là l'intérêt, et une souplesse accrue, du coup, de par la longueur pour compenser les mouvements assez violents qu'ont faire les poissons une fois piqués, quoi. Voilà. Et pourquoi ce choix de cette technique? Parce qu'il y a aussi la pêche à la mouche, enfin il y a d'autres techniques qui existent. Alors pour ma part, c'est parce que j'ai appris à pêcher la truite comme ça, et j'ai jamais lâché le truc. Depuis quand en fait, ça a commencé quand? C'est son enfance pyrénéenne. Ah oui, ça c'est les torrents pyrénéens. On sent l'accent aussi. Oui, l'accent, ça joue un peu dans le truc, c'est vrai. Donc oui, j'ai appris à pêcher au toc dans les Pyrénées, dans les torrents comme ça, donc c'est vrai que ça m'a pas quitté en fait comme beaucoup. Hein. Enfin, François a appris à pêcher à la mouche. Et il pêche toujours à la mouche aujourd'hui. Donc voilà, après, la pêche au toc peut permettre de s'adapter à des conditions particulières. Ouais. Ou des jours où la pêche à la mouche, par exemple, qui est une autre technique qui peut être utilisée pour la truite, ne va pas fonctionner. Si le pêcheur sait s'adapter aux conditions, il va aussi s'adapter avec ces différentes techniques-là. Donc c'est une corde à son arc. Je voulais juste ajouter, on parlait des appâts tout à l'heure, un tout petit rappel, on rappelle que l'utilisation de l'asticot est interdite en première catégorie. Donc quand on pêche au toc, on peut pêcher avec les appâts naturels, ce qu'on a cité, des vers de terre, des teignes, etc., mais pas des asticots. Et on peut expliquer pourquoi? La question nous est beaucoup posée à la Fédération de pêche, et c'est une mesure qui est très ancienne, on va dire, ça fait plusieurs décennies, c'est sûr, plusieurs décennies que c'est comme ça. Il y a plusieurs théories plus ou moins réalistes, soi-disant l'asticot perforerait les estomacs de truites, ce qui est faux, ça on l'a prouvé depuis, mais il semblerait que ça vienne de pratiques où il y avait un petit peu d'amorçage, donc les asticots étaient dans un petit sac percé, fuyaient dans le cours d'eau, les truites se mettaient en dessous et la queue et s'enchaînaient facilement, était beaucoup plus pratique à prendre. D'accord. Ça, j'y crois un peu plus et je pense que ça vient de là. Possible. Autre chose par rapport à cette ouverture de la pêche, peut-être à la truite, à ajouter? Comme on l'a dit, il y a donc plusieurs techniques de pêche. La pêche au toc, effectivement, va être praticable et efficace en première catégorie, notamment dans les coins où il y a du courant. Donc, en termes de configuration, on peut aussi voir où est-ce qu'on pêche au toc, où est-ce que ça peut être le plus efficace. C'est plutôt dans les belles veines d'eau avec une belle profondeur. Et après, on adapte aussi son montage, parce que on a quelques petits plombs et puis un bas de ligne avec un hameçon et notre appât. Donc déjà, c'est très simple comme matériel, enfin comme montage, comme ligne, mais simple, mais efficace, voilà. Et néanmoins subtil quand même, parce qu'il faut adapter son plombage à la vitesse du courant, à la profondeur à laquelle on veut amener son appât, à la longueur de sa dérive, etc. Si le matériel est relativement simple, est-ce que la technique justement pour acquérir cette pêche au toc, ça met du temps? Alors, en fait, ce qui joue beaucoup, c'est ce qu'on appelle la lecture de l'eau, c'est-à-dire à savoir anticiper, regarder, observer sur le milieu naturel, se dire tiens là il y a un rocher, là le courant, l'eau elle va faire comme ça en dessous, à côté, etc. Puisque je l'ai dit au début, c'est présenter un appât de manière naturelle, qui dériverait naturellement dans le courant, ce qui veut dire que le pêcheur, son action va être à la fois infime pour ne pas perturber cette dérive naturelle, mais très fine aussi pour et très précise pour devoir suivre ces veines d'eau, comme le disait François. Donc c'est tout dans la gestuelle, dans l'observation, et c'est pas si évident que ça, mais avec un peu d'entraînement on y arrive très bien. Et quand on est pêcheur au toc, arriver sur un nouveau lieu, ça prend du temps, peut-être il faut déjà analyser le lieu, les courants, justement, c'est ce que ouais, tout à fait, il y a vraiment une phase de une phase d'observation, la canne est encore pliée. On peut même s'asseoir un petit peu, regarder, se dire ah, tiens, là c'est quand même assez profond, là un peu moins. Après, on va faire son montage, donc là on va mettre un bas de ligne, un fil assez discret en pointe, quoi, oui, avant l'hameçon. Et puis quelques plombs, comme disait François, adaptés à la profondeur, à la force du courant. Donc là, c'est assez précis. Chacun a un petit peu ses techniques en comparant avec des amis qui pêchent aussi comme ça. C'est vrai qu'on se retrouve avec, à pêcher les mêmes secteurs, mais avec des montages relativement différent, même si c'est pas très logique. La tenue de la canne et de la ligne joue énormément. Ouais. Je pense que ça, c'est un peu compensé comme ça. L'observation et l'analyse de la lecture de l'eau, hein, comme disait Nicolas, l'analyse de la configuration des postes de pêche, c'est valable évidemment pour la pêche au toc, mais c'est valable en fait pour toutes les pêches, que tu pêches à la mouche ou que tu pêches au leurre. Le pêcheur doit avoir ce sens de l'observation et de l'analyse pour savoir comment il va utiliser son matériel et essayer de deviner où sont les poissons et comment les attraper. Oui. Le principe et toute la magie de la pêche, quoi. Alors, le 12 mars, on revient un petit peu sur cette date-là, parce que c'est aussi 6h41. Oui, 6h41. C'est aussi l'ouverture de la pêche du Corégon à Pierre-Percé. Le Corégon, c'est un poisson assez spécifique. Alors, il n'y en a que à Pierre-Percé, chez nous, là, dans notre région, en Meurthe-et-Moselle, tout du moins. Donc, c'est un poisson qui vit dans les grandes profondeurs et qu'on pêche. On a déjà eu l'occasion d'en parler. On pourra peut-être refaire une autre chronique spécifique là-dessus, mais qu'on pêche plutôt en bateau. Donc, la Fédé loue des barques, hein, 20€ par jour sur le lac de Pierre-Percé. Donc, si vous voulez aller vous découvrir cette pêche-là et vous amuser, n'hésitez pas. Voilà, et découvrir la pêche au toc, c'est possible aussi en se rapprochant des associations locales. Oui, et alors notamment se rapprocher aussi de la Fédé, parce que Nico, étant spécialiste, propose quelques animations pour les pêcheurs pour découvrir cette technique de pêche spécifique. Il y en a d'autres, il y aura de la pêche à la mouche, il y aura de la pêche au leurre sur certains poissons, de l'aspe, de la pêche, la découverte de la pêche en casting. On va sortir un petit programme d'animation prochainement sur le site de la Fédé. Et le site de la Fédé, on le rappelle, il y a une carte interactive pour découvrir tous les bons coins, tout ce qu'il faut savoir sur l'ouverture de la pêche à la truite le 12 mars. C'est ça. D'autres actualités pour la fédération avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les pêcheurs, c'est que désormais, ils peuvent acquérir leur carte de pêche avec des chèques vacances. C'est quelque chose qu'on attendait depuis un petit bout de temps. Ça aurait été logique dès le début. Malgré tout, c'était pas la Fédération nationale de la pêche en France, c'était pas conventionné avec la NCV. Hein, et voilà. Et en fait, ils ont réussi à trouver un partenariat. Donc, il y a une actualité sur le site de la fédération, mais vous pouvez aller sur cartedepêche.fr, tout est expliqué. C'est uniquement de manière dématérialisée. C'est-à-dire qu'il y a une application qui s'appelle Chèque Vacances Connect et qui permet du coup de régler des achats, dont la carte de pêche, comme ça, de manière numérique. Voilà, www.pêche-54.fr. Sur ce site, vous retrouvez aussi le guide 2022. Hein, exactement, qui est sorti aussi en version papier. Enfin, on a pris un petit peu de retard, mais il est enfin là avant l'ouverture. Donc, vous pourrez retrouver cette petite bible du pêcheur en Meurthe-et-Moselle, à la fois en version numérique sur notre site et en version papier chez l'ensemble des dépositaires de cartes, donc les revendeurs de cartes de pêche. On rappelle, hein, les cartes de pêche sont accessibles sur cartedepêche.fr et chez les dépositaires. Tous les renseignements sur le site et dans le guide. Une dernière question, vous êtes prêt pour le 12 mars? Toujours. En fait, on est toujours prêt à aller à la pêche. Un peu comme les scouts, quoi, tu vois, on est toujours prêt. Parce que la météo peut-être a on est, alors on croise les doigts, on espère, là c'est pas mal, l'eau est belle, c'est pas trop haut, il y a du soleil. Allez, les conditions idéales, si je devais choisir, c'est, Nico, tu me dis si t'es d'accord avec moi, une petite couverture nuageuse, pas trop de vent, plutôt vent de ouest, sud-ouest, s'il y en a un petit peu, et allez, entre 10 et 12 degrés, voilà. Et des poissons mordeurs. Hein. Et des poissons mordeurs, et là, même à la limite, un tout petit coup d'eau avant, à la limite. Voilà. Ça me va. Merci Nico, merci François, et rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle émission. Ça marche, à bientôt, et bonne ouverture à tous. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.